t'en prie, fais-moi confiance. Encore 5 secondes, encore une heure, même si je merde en permanence. Ça ira peut-être mieux ailleurs, car je serai en permanence ton angélique enfant de cœur, la coupe aux lèvres de préférence, le poitrail nu qui rend plein cœur. C'est au fond. Regarde-moi sans défiance, sans coup de sonde, sans froideur, oh ma belle innocence qui avance à coûte que d'heure, même si c'est la crise en permanence et que nous sommes complètement chômeurs, on trouvera la solution, je pense. Allez, avance, n'aie pas peur, c'est au fond de tes yeux. Au fond de tes yeux. Regarde un peu la France, c'est magnifique, toute cette torpeur, tous ces anciens, l'adolescence, immobile devant Pasqua, l'horreur. C'est au fond de tes yeux. C'est au fond de tes yeux. C'est au fond de tes yeux. C'est au fond de tes yeux. Que je foutrai le feu. Que je foutrai le feu. On aura si on dira merde au bon Dieu, on dira merde au bon Dieu, et surtout à Jean-Paul II, et surtout à Jean-Paul II.